Chapitre 4. Florence, Florence! La bonne ouvrit la porte du petit salon et trouva Rose debout. Elle s'appuya à la cheminée, impatiente, les sourcils froncés. Qu'est-ce qu'il y a? Grommela la vieille femme. Ne dirait-on pas que la maison brûle? Aussi, pourquoi te veux-tu appeler 10 fois sans répondre? Vite, arrange-moi ce vilain salon, mets tout en ordre, que ça a l'air gentil. Mais dépêche-toi donc! Ne croirait-on pas que vous attendez le pape? Gronda Florence, sans plus se hâter que si on ne lui avait rien dit. Moi, je trouve l'appartement assez rangé comme ça. Pour propre, c'est propre. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus? Il faut des fleurs dans ces 2 vases, une plante verte dans la jardinière. Arrange les rideaux. Ils font de vilains plis chiffonnés. Tu n'y entends rien. Mon Dieu, que tu es gauche! Boitant un peu, mais n'y prenant garde, Rose traversa le salon, sans appui, sans se tenir au meuble. Il disposa les rideaux en plis gracieux. La servante stupéfiée le regardait les bras ballants. « Tu as marché sans canne, » dit-elle au bout d'un instant, quand la voix lui fut revenue. « Tiens, c'est vrai !» s'écria Rose joyeusement. « Je n'y ai pas seulement pensé. »« Qu'est-ce qui t'a changé comme ça ?» reprit Florence, toujours immobile. « C'est parce qu'on a dit qu'il allait venir un jeune homme ici. »« Eh ?» fit la comédienne en se retournant brusquement. « Eh bien quoi ? » ?»« Le docteur me l'a dit, et puis après ?»« Rien du tout !» répondit Rose en laissant échapper les plis du rideau. « Va chercher des fleurs. Que cette maison ressemble un peu moins à une auberge, un peu plus à un chez-soi. »« Des fleurs, » dit Florence, « ce n'est pas la peine. Le jeune homme qui va venir t'en enverra assez. » Rose se redressa encore une fois et regarda sa servante d'un air méchant. « Tu prends trop d'autorité. Tu t'es gâtée pendant ma maladie. Mais ce temps-là est passé, ma chère. Il faut te le tenir pour dit. » Florence haussa les épaules et se dirigea vers la porte. Quand elle eut disparu, Rose alla lentement d'un objet à l'autre, s'appuyant de la main contre les murailles, sur les meubles, cherchant machinalement un soutien, puis elle revint péniblement à sa chaise longue. « Infirme, » dit-elle avec une colère intérieure, « incapable de remuer, d'agir. Combien de temps cela durera-t-il encore ?»« Ce Langlois n'est pas aussi habile qu'il le croit, au bout du compte. 8 mois et demi de réclusion, » il me semble que c'est assez pour guérir n'importe qui de n'importe quoi. » Elle se laissa aller, couvrant ses yeux de la main, lasse et découragée. Un coup de sonnette retentit bruyamment. Elle tressaillit et se souleva sur son coude. Florence entra d'un air triomphant, portant d'une main un superbe bouquet, de l'autre une carte de visite que Rose lui arracha presque pour la lire plus vite. Juste André demande à Madame Sorel la permission de lui présenter ses hommages. « On attend la réponse, » fit Florence avec un clignement d'yeux qui annonçait la présence d'un messager dans le corridor. « Réponds que je serais bien aise de voir M. André dans le courant de l'après-midi. » Florence, tenant toujours le bouquet droit comme un panache de corbillard, alla communiquer la réponse au commissionnaire qui disparut, puis elle revint d'un pas majestueux vers la comédienne. « Eh bien, je te l'avais bien dit que ce n'était pas la peine d'aller acheter des fleurs, » fit-elle d'un ton plein de reproches discrets. Rose la regarda d'un air de mauvaise humeur. « Pour que ce monsieur croie qu'il est le seul à m'en envoyer ?» dit-elle avec dédain. « Va, ma fille, tu n'es pas forte en politique. Cours chez le jardinier et dépêche-toi, que tout soit arrangé avant midi. » Vaincue cette fois, la vieille bonne obéit. Une heure après, le petit salon avait pris un air de fête bien différent de son aspect ordinaire. Les rideaux, à demi relevés, laissaient voir le jardin et la campagne. Des plantes vertes garnissaient les coins, et sur la table, auprès de la jeune femme, le bouquet envoyé par André trônait dans un grand vase. La mise en scène était complète. Le jeune ingénieur pouvait venir.